Bonjour, vous êtes sur l'émission Lead Me Where You Dare, qui sera une émission programmée sur la Kicking Radio. Et je remercie Q de m'avoir permis de la faire. Voilà, je m'appelle Pierre, j'habite à Toulouse, je fais l'émission depuis mon appartement. Bienvenue à vous. J'espère que les sélections que je vais proposer permettront... Je pense que ça va quand même brasser assez large. On va aller de la pop à des choses un peu plus heavy, des choses un peu plus noise, un peu plus punk. Ça va vraiment être très varié. C'est une émission qui porte le titre de Lead Me Where You Dare, comme j'ai pu le dire tout à l'heure. Et ça va me permettre d'aller je ne sais où. C'est ça l'intérêt de la programmation. Et on va voir où ça va nous mener, tout simplement. C'est aussi une petite référence à un groupe que j'adore, qui est Swerve Driver. Une chanson que j'interprète comme étant un petit peu lascive, en fait. Donc voilà pour la petite référence. C'est pas très original de donner le nom d'une chanson à une émission, mais c'est le plus simple et c'est le plus efficace. Donc les morceaux qu'on a écoutés pour ouvrir cette émission, il y a eu un petit morceau de Split Single. Alors Split Single, c'est un groupe formé tout récemment par Jason Narducci, qui est un bassiste, qui est d'ailleurs le bassiste actuel de Bob Mould, un concert. Un gars aussi qui joue pour Superchunk, parce que depuis que Laura Balance, la bassiste, a quelques acouphènes, donc il a pris la basse en concert chez Superchunk, là, tout récemment, l'année dernière. C'est un gars qui joue de la basse comme ça pour quelques groupes. Pour Telekinesis aussi, qui est un groupe de power pop, un peu dans la mouvance de Nada Surf, ce genre de choses. Alors, chez Telekinesis, moi, j'aime certains trucs, d'autres moins. C'est la voix, des fois, qui me rebute un peu. Jason Narducci, pour revenir à lui, c'est un gars qui a commencé à jouer dans Verboten, dans les années 80 déjà. Donc, il avait genre 8-9 ans quand il faisait ses premiers concerts. Puis après, Verboten, donc, qui était un groupe hardcore, milieu des années 90, fin des années 90, il a formé Verbo, un groupe qui a eu quelques albums produits par Bob Mould, donc tout se recoupe. Il a monté ce groupe Split Single cette année, et ce morceau, c'est un petit tube, je trouve. J'avais plaisir de le passer en premier morceau de ma première émission. Et ce qui a suivi, c'était du Frank Black. Frank Black, sur un album qui était paru en 2007, Blue Finger. C'était le premier morceau, et je dois dire que je connais que ce morceau. Et c'était j'aime bien les Pixies, vous allez le voir, j'en passerai peut-être dans les émissions futures, on verra, à petite dose, parce que bon, Pixies, ça fait partie un peu de l'inconscient collectif. Et c'était en plus un petit clin d'œil à l'émission Joining the Circus. Guillaume passait ce morceau, en 2006-2007, quand l'album est sorti, en fait. Et à ce moment-là, j'écoutais pas mal son émission, et c'est un morceau que j'avais retenu. C'est pas un morceau non plus extraordinaire de Frank Black, c'est pas hyper compliqué, mais un morceau assez efficace, je trouve. Donc voilà, c'était pas mal d'ouvrir aussi avec ça. Et on va changer un peu de direction, on va naviguer légèrement à nos troubles avec un morceau de Echo and the Bunnymen qui était paru en 2005 sur l'album Siberia, et un autre morceau de Therapy sur un des albums des années 2000 sur Never Apologize, Never Explain. Donc je vous laisse avec ces deux morceaux-là et on en reparle juste après. We'll be right back. Yeah. retour après cette effusion par thérapie. Qu'est-ce qu'on a écouté avant ? Un morceau d'Echo and the Bunnymen. C'est un groupe que j'ai pas commencé à écouter il y a très très longtemps. Bon, je connaissais quand même The Killing Moon, on peut pas trop passer à côté. Mais il y a 3-4 ans, je me suis mis à acheter les albums, à commencer par Ocean Rain, qui est quand même le plus connu, et quelques autres. Et c'était l'occasion en fait de m'y mettre un peu, puisque j'ai pu les voir en concert à Barcelone. Sur une petite place de Barcelone, en plein air. Le groupe est arrivé après plusieurs... mais il y avait d'autres groupes, pas de première partie, parce que c'était un festival, des groupes plutôt indé. Et de suite, quand Echo and the Bunnymen sont arrivés, on a senti une petite différence quand même, une grosse présence de Ian McCulloch. Et voilà, un son très très puissant. Je m'attendais pas forcément à ça. Le morceau qu'on a écouté, il me remet un peu dans ce concert-là, en fait, même s'il jouait pas des titres de Siberia. Donc on a entendu Scissors in the Sand, qui est un morceau paru en 2005 sur Siberia. Voilà, je crois qu'il y a eu un autre album entre, et là, ils en sortent un cette année aussi. J'ai pas eu l'occasion de l'écouter encore. Et sur l'album Siberia, donc il y a plusieurs morceaux, peut-être il y a des morceaux un peu plus intéressants, mais voilà, il y a ce morceau-là qui rappelle beaucoup Sonic Youth, en fait, que je trouve. Et un petit peu d'Interpol aussi, finalement, comme s'ils avaient été inspirés par des gens qu'ils ont inspirés. Un morceau vraiment très trouble. Donc voilà pour Echo and the Bunnymen, qui est un groupe qui commence à prendre de la place dans ma vie. Il y a des albums, alors l'album éponyme là de 86-87, qui n'avait pas été très bien reçu, je crois. Il y a quand même de belles, belles ballades dessus. The Game, All My Life qui termine, qui est je la passerai peut-être plus une autre fois. Il suffit que la playlist s'y prête. Mais là, je voulais quand même passer un morceau qui soit assez tendu, donc voilà, comme on a pu l'entendre. C'était un morceau qui était un peu long et qui préparait l'arrivée du morceau de thérapie. Et le morceau de thérapie, déjà, c'est un album que je trouve vraiment génial, qui est Never Apologize, Never Explain. Rien que le titre, ça met les choses en place. Et donc, c'était le titre Here Be Monsters. Il n'y a pas du tout d'intro, on entre direct dans le vif. Ça fait vraiment un effet sensationnel, un peu comme une sorte de kick out the jams. On entre direct dans l'arène. Donc, morceau très trouble aussi. Alors, thérapie, je pense que les auditeurs de la Kicking Radio connaissent bien ce groupe-là. Moi, comment j'ai découvert ça? Pour remettre un peu les choses en place, j'ai commencé à écouter de la musique. J'avais 17-18 ans, et ça se passait dans les années 2001-2002. Et je crois que c'est l'album High Anxiety qui sortait à ce moment-là, et il y avait un morceau sur un sampler rock and folk. C'était Hey Satan, You Rock, que j'avais mis sur quelques compiles que je me faisais. J'ai mis un peu de temps après à trouver les autres albums, et j'ai vite pris Troublegum à la bibliothèque. Je suis revenu vers ce groupe-là l'année dernière, en fait. Il y a quelques années, quand même, j'avais réussi à trouver un de leurs premiers EP. Baby Teeth, l'album avec la pochette grise là. Donc c'était les premiers EP qui sortaient chez Southern Records, et il y a sur cette EP là, on ressent des influences techno aussi de temps en temps. C'est pour ça, c'est un groupe hyper ouvert, hyper positif, je trouve, sombre et positif, un peu dans le même sens que Helmet, en fait, toujours très agréable à écouter, et qui fait relever un peu la tête. Ça, c'est quand même assez important. Là, tout récemment aussi, j'ai trouvé au Gilbert Joseph une compilation en deux CD d'un magazine. Alors c'est un best-of de samplers que diffusait un magazine, alors typiquement 90s, ça par contre, il s'appelait Volume. Alors ils avaient des couvertures à chaque fois avec un poisson dessus. Et voilà, donc Thérapie se retrouve avec le morceau Innocent X, justement, en plein milieu de groupes plutôt associés à la Britpop, alors au milieu de Blur, au milieu d'Elastica, de Ecobelli, des Manic Street Preachers, voilà, même Paul Weller aussi qui avait un titre. Sur cette compilation, il y a un énorme livret qui récapitule plein d'interviews qui montrent bien un peu l'insouciance de cette époque-là, avec des questions un peu débiles. Mais voilà, on se prenait pas trop la tête, et ça fait du bien de temps en temps. Voilà pour Echo and the Bunnymen et Thérapie. Maintenant, on va encore changer de direction. On va passer au tout début des années 80, 1980 pour être exact, avec un morceau de Cheap Trick sur All Shook Up, qui sera suivi, on va revenir en Grande-Bretagne, qui sera suivi d'un morceau de Lush, de Je vous laisse, et on se retrouve juste après. « picture. Hey, you, the muscles and the long hair, telling me that women are superior to men. Most guys just don't appreciate this. You just try convincing me you're better than them. So he talks for hours about a sensitive soul, and his favorite subject is sex. I don't even think we really want it at ever. But Christ, this guy's too much. I wanna tell him I'm as human as the next girl. I like a bit of flattery, but I don't need your practice lines, your school of charm mentality. So save your breath for someone else and credit me with something more. When it comes to men like you, I know the score. I've heard it all. Comes the next one. Blondie was with me for a summer. He flirted like a maniac, but I wouldn't bite. I'm weak and he was so persistent. He only had to have me 'cause I put up a fight. Oh God, the boy had such an ego. He liked to talk about himself all day and all night. You think you're such a lady killer, but you were nothing special till you turned out the light. When he's nice to me, he's just nice to himself, and he's watching his reflection. I'm a 5 foot mirror for adoring himself. His 7 years bad luck. I wanna tell him when you say you love me, you're just flattering your vanity. But I don't need your practice lines, your school of charm mentality. So save your breath for someone else and credit me with something more. When it comes to men like you, I know the score. I've heard it all before. Ooh, such a lady killer, always on a winner, thinking that you're in there. Oh boy, you're such a lady killer, super sexy mister, call it what you will. Oh, you think you're such a lady killer, I just bet you're still there, posing in the mirror. Hey girls, you're such a lady killer, but we know where it's coming from. We know the score. Et nous voilà de retour après ce morceau de Lush qui vient de se terminer. Juste avant, donc, il y avait un morceau de Cheap Trick. Alors, Cheap Trick, un groupe que j'aime beaucoup. C'était un album de 1980, All Shook Up. C'est pas un album sur lequel il y a leur plus grand tube, mais je l'aime bien quand même. Moi, j'avais découvert Cheap Trick avec In Color, surtout. J'avais même trouvé la version, parce qu'ils avaient réenregistré In Color avec Steve Albini, mais c'est vrai que on le trouve encore, je pense, sur la toile, vous pouvez chercher. C'est un album qui réenregistré était pas tout à fait fini, mais ça s'écoutait quand même. On pouvait réentendre des morceaux réorchestrés, et c'est quand même intéressant. Là, c'était un morceau qui s'appelle donc Love Comes Tumbling Down, qui a été écrit par Rick Nielsen, donc le lead guitariste de Cheap Trick, qui a écrit ce morceau juste après la mort de Bon Scott, en fait. Et moi, j'avais découvert ce groupe, alors bon, vous allez comprendre que je suis assez fan de Weezer, et c'est vrai que pendant plusieurs années, Weezer m'a ouvert pas mal de groupes, et je pouvais suivre donc sur les forums américains de Weezer, tous ces jeunes ados qui écoutent encore ces groupes-là, quoi, ces groupes des années 80, 70, 80. C'est un groupe qui est encore très, très, très populaire là-bas. Une petite anecdote en même temps sur Weezer et les Get Up Kids. Il y a Matt Pryor, le chanteur des Get Up Kids, qui raconte que pendant la tournée, les tournées qu'il faisait avec Weezer, c'était vraiment des gros connards finalement. Sur un concert, il y avait donc Rick Nielsen et Robin Zander, le chanteur de Cheap Trick, qui voulaient se joindre à Weezer sur scène. Et voilà, Rivers Cuomo, il a refusé qu'ils montent sur scène. Et du coup, Cheap Trick, ils sont montés sur scène avec les Get Up Kids. Donc ça montre un peu les coulisses de ce qui peut se passer dans les tournées américaines. Et en parlant de Cheap Trick et qui monte sur scène avec d'autres groupes, j'ai appris que récemment, là, dont jouer également avec ce Jason Dardussy dont je parlais au début avec Split Single, donc ça se recoupe un peu finalement. Une toute dernière chose que je voulais rajouter, c'est que dans ce morceau Love Comes Tumbling Down, il y a une phrase qui dit All shook up and bent out of shape. Et c'est vrai que comme on connaît un petit peu le côté plaisantin des Replacements, et ils ont un morceau qui s'appelle Bent Out of Shape sur un album qui s'appelle All Shook Down, donc c'est plutôt rigolo. J'en termine là avec Cheap Trick. Et ensuite, on a écouté un morceau de Lush. Alors, Lush, qui est un groupe formé fin des années 80, début des années 90, me semble-t-il. Voilà, avec deux compositrices principales, Emma Anderson et Mickey Berini. Mickey Berini, qui était, voilà, pour la petite anecdote, la fille d'une James Bond girl. Donc, elle est typée asiatique. Alors, je ne sais pas de quelle origine elle est exactement, japonaise peut-être. Donc, on a écouté un morceau du troisième album. Alors, les deux premiers albums de Lush, Spooky et Split, sont des albums plutôt vaporeux, en fait, avec des ambiances un peu éthérées. Donc, des albums parus chez 4AD, avec les pochettes Vaughan Oliver. Le gars qui faisait les pochettes des Pixies également, donc on est dans des choses un peu pas surréalistes, mais je sais pas comment expliquer, enfin des ambiances qui sont très spécifiques en fait. Voilà, un groupe qui était intégralement lié au mouvement shoegazing. Et sur cet album, sur le troisième album, Love Life, paru en 96, et dont on a pu entendre le morceau d'ouverture, Lady Killers. Eh bien, on passe à des morceaux un peu plus enjoués, en fait. Voilà, Love Life, déjà le titre, ça change, c'est plus spooky, on n'est plus dans le brouillard. C'est Love Life, vous profitez de la vie. Et donc, le morceau qu'on a entendu, il a été composé donc par Mickey Berini, pas par Emma Anderson. Et Mickey Berini, dans ce morceau-là, en fait, elle parle de la façon de séduire qu'ont certains hommes. Et je pense que c'est du vécu, donc, puisqu'elle a dû se faire pas mal draguer pendant les tournées qu'elle faisait avec d'autres groupes. Et la légende urbaine veut que certaines phrases de cette chanson soient adressées, donc une à un des frères Gallagher, une autre à un des gars des Red Hot Chili Peppers, et en troisième lieu, une autre phrase est adressée à Matt Sharp, donc, qui est le premier bassiste de Weezer avec qui elles ont fait des tournées communes aux États-Unis. Donc, et puis voilà, d'autant que Mickey Berini, ensuite, elle est apparue sur un des albums des groupes de Matt Sharp. Voilà ce que je peux dire sur Lady Killers, qu'on a pu entendre. Voilà, un morceau très accrocheur, en fait. Donc, pour continuer, on va passer à deux morceaux. Donc, le premier est un morceau Power Pop 90s, tout simplement, par Verbena. Et ensuite, on écoutera un morceau de Robert Pollard, donc le chanteur de Guided by Voices en solo, un de ses premiers albums, si c'est pas le premier, voilà, qui est Kid Marine, paru en 99. Donc je vous laisse et on se retrouve après avoir écouté ça. Mouth De Verbena. Alors Verbena, c'est un groupe d'Alabama formé au milieu des années 90, que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, moi, en cherchant des infos sur un autre groupe. Donc c'est leur premier album qui s'appelle Souls for Sale, et on a écouté Hot Blood, le premier morceau, celui qui ouvre l'album. Qu'est-ce que je peux dire sur Verbena ? Je connaissais le chanteur, en fait, qui s'appelle exactement Scott Bondy, mais qui a une carrière solo sous le nom de A.A. Bondy. Et oui, j'avais déjà entendu ce nom, mais sans jamais trop aller écouter, en fait. Et donc là, c'est leur premier album. Alors, j'aime beaucoup la pochette, en fait. Donc, je l'ai acheté il y a pas si longtemps. C'est une réédition de 2008 chez Fat Possum. Et la pochette, voilà, on voit une rue typiquement américaine, avec deux gars accoudés à une sorte de bâtiment un peu industriel, avec deux passant sur le trottoir, et voilà, des voitures sur la route, rien de bien extraordinaire, mais qui me met un peu dans l'ambiance de l'Amérique profonde, voilà. Donc un album qui est pas mal quand même, de bout en bout, avec, bon, la production est due à Dave Friedman, qui produisait pas mal de groupes un peu rêveurs, en fait, comme les Flaming Lips et Mercury Rêve, mais aussi le Pinkerton de Weezer. Alors je sais pas, après, je sais que les deux autres albums de Verbena, je crois qu'il y en a un qui a été produit par Rob Schnapf, qui a fait le premier Foo Fighters, et des choses aussi pour Elliott Smith et les Guided by Voices. Donc je sais pas si le son a pris un peu plus d'ampleur par la suite, mais je le découvrirai en temps voulu. Voilà. Et ensuite on s'est écouté un morceau du premier album solo de Robert Pollard qui s'appelle Kid Marine, sorti en 99. Alors en fait, la thématique principale de l'album, c'est de parler de l'individu masculin type de l'Ohio, donc d'où est originaire Robert Pollard. Il vient de Dayton, plus précisément. C'est vrai que Guided by Voices, c'est un groupe que j'ai beaucoup écouté, vraiment beaucoup, parce que donc, moi j'ai découvert tout simplement quand le best-of est sorti, donc jeudi disais, que j'ai commencé à écouter vers 2001-2002 de la musique, et le Best of Human Amusement at Early Rate, l'album avec une pochette bleue et une sorte de sorcier dessus. Il est sorti en 2004, je crois. Donc quand c'est sorti, j'ai dû l'écouter. C'est vraiment un album que j'ai écouté beaucoup. J'avais pas énormément d'albums aussi à l'époque. Et de Guided by Voice, c'est vrai que je préfère la période où ils ont été bien produits. J'aime bien les Isolation Drills et Do The Collapse. Et donc là, justement, Kid Marine, c'est de la même période que Do The Collapse. C'était peut-être une façon pour Robert Pollard de faire autre chose que les albums bien produits qu'il faisait avec Guided by Voices, de se sortir un peu de la prod de Rick Ocasek, le chanteur des Cars qui produisait Do The Collapse. C'est le premier album, alors c'était un grand projet de chansons que Robert Pollard avait, qui s'appelle In The Fading Captain Series, sous plusieurs noms de groupe et sous tout son nom solo en fait. Il a sorti plein d'albums qui faisaient partie de ce projet-là. Et voilà, donc un peu difficile à suivre quand même, Guided by Voices, même après la reformation. Moi j'ai écouté la reformation là, de 2012 ou 2013. Ils sortent deux albums par an, retour à un son lo-fi que je trouve peut-être pas tellement pertinent en fait maintenant, mais toujours très très productif, et en fait il veut se faire plaisir tout simplement, Robert Pollard, et grand bien lui fasse, parce qu'il y a toujours du bon à prendre chez eux. Je pourrais en parler encore assez longtemps, mais on va continuer l'émission. On va écouter deux morceaux d'un groupe qui s'appelle Farewell Continental, le groupe du chanteur de Motion City Soundtrack, un groupe parallèle, et ensuite on passera à Silver Sun Pickups. On s'écoute ça et on se retrouve après. Paranoia scattered over the stickiness of every sound. Catatonic, subharmonic signals of the tales I tell. Yeah. retrouve après ce morceau de Silver Sun Pickups. Avant ça, on a écouté un morceau de Farewell Continental. Farewell Continental, qui est un groupe formé en 2010-2011 par le chanteur de Motion City Soundtrack, donc un groupe un peu parallèle. Il y a eu deux EP qui ont précédé l'album dont on a passé un titre qui s'appelle Immolated, le septième morceau de cet album. Album qui s'appelle AA Pioneers, donc Farewell Continental, un groupe de Minneapolis. Minneapolis, alors c'est vrai que pour la petite anecdote, sur un titre Radio Radio, il y a la nièce de Paul Westerberg qui fait un petit sample comme elle travaille à la radio. Et on entend sa voix, bon, de seconde, pas très longtemps, mais ça fait un petit lien à qui est propre aux Twin Cities, donc bien sympathique. Donc par rapport à Motion City Soundtrack, c'est peut-être un peu moins émo, mais quand même, ouais, de la power pop un peu FM, en fait. Un super album de 2011 que je vous conseille pour tous les fans de power pop. Légèrement FM aussi, donc quand même, il faut peut-être un peu apprécier ces sonorités-là. Mais voilà, vraiment très conseillé. Je sais pas ce qu'on peut attendre, puisque c'est peut-être un one-shot, comme Motion City Soundtrack est bien occupé. Est-ce qu'on peut attendre un nouvel album de Farewell Continental bientôt? Je ne sais pas. Donc, bon, on verra ça par la suite. Ensuite, on a entendu un morceau de Silver Sun Pickups, qui est un morceau du premier album. On a entendu un morceau de Silver Sun Pickups, qui est un morceau du premier album sorti en 2006. Donc voilà, Silver Sun Pickups, un groupe formé dans les années 2000. À Los Angeles. Sur les premiers albums, il y a quand même beaucoup, beaucoup de guitares. Le morceau qu'on a entendu, il fait assez smashing. Carnavas, c'est un album que j'avais écouté chez un pote, en fait, donc je le remercie, Laurent, si tu nous écoutes. Et en 2012, quand leur dernier album est sorti, j'avais trouvé directement l'album dans les bacs à solde, à 4 euros. Donc voilà, un groupe qui n'intéresse pas trop ici, j'ai l'impression, mais quand même assez intéressant. Et même si c'est vrai que sur album, là, Carnavas, par exemple, il y a quand même des morceaux un peu moins intéressants. Mais c'est pour ça que ils ont bien fait, je trouve, de sortir une compilation de singles cette année que je pense je vais essayer de me procurer, parce que c'est plus facile d'écouter une compilation de singles de Silver Sun Pickups que peut-être un album en entier, c'est mon avis personnel. Et voilà, et par contre, c'est vrai qu'il y a quand même assez de guitares présentes sur les deux premiers albums, mais sur l'album dont je parlais, que j'ai trouvé dans les bacs à solde, Neck of the Woods, voilà, on change un peu de sonorité, c'est plus synthétique, il y a des influences de New Order, enfin, les guitares sont un peu plus mises de côté, même s'il y a le fameux morceau Mean Spirits, que je passerai peut-être une autre fois, qui est très accrocheur, et il y a encore une bonne partie de guitare dessus. Voilà. Et donc on arrive à la fin de l'émission. On va s'écouter encore deux morceaux que je vais présenter avant de vous laisser. On va commencer avec un morceau de Bill Janovitz, qui est le chanteur de Buffalo Tom. Alors donc Buffalo Tom, moi j'avais trouvé leur avant-dernier album Three Easy Pieces avec la pochette rouge dans un bac de chez Vicious. À 3 euros le LP, je connaissais pas bien, mais je risquais pas grand chose. Et en fait, c'était même mieux que ça, parce que Three Easy Pieces, qui est donc un des albums de Buffalo Tom dans les années 2000, c'est un album que j'adore. Et bon, après j'ai remonté, j'ai écouté les albums des années 90, et c'est vrai que c'est un groupe que j'aime beaucoup, et c'était c'est aussi un petit clin d'œil aux frères Jetators, puisque ils sont très très fans. Et voilà, donc là on va passer un morceau du dernier album solo de Bill Janovitz, qui s'appelle Walt Whitman Moll. Alors c'est un album sur lequel Bill Janovitz parle de lieux précis de son enfance. Donc le titre s'appelle Long Island. Le titre qu'on va écouter. Walt Whitman Mall, c'est le premier supermarché qui a été ouvert à Long Island. Et voilà, donc avant d'aller à Boston, Bill Janovitz a grandi à New York, en fait. Voilà. Donc ça, ce sera le premier morceau. Et ensuite, on va conclure. Donc on a ouvert avec Split Single, et on va conclure avec un morceau de Jason Narducci encore sur l'album Woodshed, par Jason and Allison. Alors c'était un groupe qu'il avait avant Verbo, un groupe donc qui tout simplement guitare et violoncelle. Donc il jouait de la guitare et Allison Chesley jouait du violoncelle dessus. Donc on va s'écouter un titre qui s'appelle Living, qui ouvre cet album de 94. Et voilà, donc on termine avec Bill Janovitz, qui a encore une voix que je trouve hyper chaleureuse personnellement. sur le morceau qu'on va entendre, et un morceau acoustique par Jason and Allison. Donc voilà, on va terminer avec ça. Bon, ben on se retrouve dans une prochaine émission. J'espère que cette première vous aura plu sur les morceaux que j'ai passés. Comme je disais, quand j'ai participé au Flux Capacitor le mois dernier avec Thomas, soit des morceaux, vous aurez pu les découvrir, vous aurez pu avoir plaisir à réécouter. Donc voilà, on va continuer comme ça pour les prochaines émissions en allant un peu pas de tous les côtés. Ça, c'est vrai que ça reste principalement du côté américain, mais j'ai passé quand même des choses produites par la Grande-Bretagne. Voilà, donc il y aura un peu de tout encore une fois. Je vous dis donc à la prochaine et à bientôt. He got up and disappeared. Lately, no one's seen him round here. Suburban streets at night are dark. This bedroom town ain't got no heart. Fold up the streets just like a map of Long Island. Many times and daily bread, he disappeared right out of bed. Suburban streets at night are dark. This bedroom town ain't got no heart. Fold up the streets just like a map of Long Island. You know you're on the island. further.